politiques, les requins, tout ce fric dans leurs mains, les banquiers, les pots de vin, les pigeons et les chiens, l'histoire du baratin. Comment croire en quelqu'un? Dois-je faire un dessin de toutes ces guerres sans fin? Tous les jours le même train-train, on s'en fout de son voisin. Sans argent t'es rien, allez va acheter ton scrutin. Entre le mal et le bien, y'a que de putains de chemins. Ils sont malades, j'ai le vaccin, ce monde n'est pas le mien. Les avocats, les médecins, les hommes de loi, les catins, les médias, leur venin, ceux qui décident de demain. Tous ces mêmes magasins, anorexiques et mannequins. Je fais pas partie du gratin, marre de me lever le matin. Aimer le diable c'est sain, aimer se battre en vain. On veut tous le butin, je mets pas d'eau dans mon vin. Les idoles, les crétins, rien à foutre des potins. Tu es pour être quelqu'un, être acteur ou témoin. Je tends la main, on tend le poing, un avenir incertain. Comprends-tu que le destin c'est de pas faire comme chacun, se donner les moyens. Les crevards ont trop faim, dans ma tête je suis trop loin de ce monde, je suis témoin. On ne voit pas par la même fenêtre, on ne vit pas sur la même planète. Je dis pas j'aurais voulu, mais je suis. Et quitte à être déçu, alors je fuis. On ne voit pas par la même fenêtre, on ne vit pas sur la même planète. Je dis pas j'aurais voulu, mais je suis. Et quitte à être déçu, alors je fuis. Ce monde est trop pressé, pédophiles et préfets, les plus dociles oppressés, les imbéciles stressés, les éméchés des déchets, dans l'église trop de péchés, le tox veut son sachet, le dépressif son cachet, le sous-chef est fâché, l'ouvrier exploité, le milliardaire caché, les bas-fonds squattés, le banquier veut arnaquer, le connard endetté, le pigeon doit raquer pour ne pas être embêté, le JT falsifié, les infos classifiées, la vérité effacée, faire oublier le passé, le pouvoir renversé, le mazout déversé, histoire controversée, la bombe est amorcée. Des vies à rembourser, vie la notoriété. Le mystère est percé mais n'est pas d'actualité. Terroriste, agent secret, territoire annexé. Gouvernement discret, dictateur complexé. Des virus à laisser, des malades, des procès. Des violeurs mandatés qui vivent de gloire et d'excès. Par la fenêtre matée, une autre réalité. Je ne peux pas rater ce que je peux réaliser. On ne voit pas par la même fenêtre, on ne vit pas sur la même planète. Je dis pas j'aurais voulu, mais je suis. Et quitte à être déçu, alors je fuis. On ne voit pas par la même fenêtre, on ne vit pas sur la même planète. Je dis pas j'aurais voulu, mais je suis. Et quitte à être déçu, alors je fuis. On ne voit pas par la même fenêtre, on ne vit pas sur la même planète. Je dis pas j'aurais voulu, mais je suis. Et quitte à être déçu, alors je fuis.